Ce panneau indique un sens interdit. Placé à l'entrée d'une chaussée, il indique que les véhicules peuvent y circuler uniquement dans le sens inverse.